Du 22 au 24 juin, participe au week-end des régates de Saint-Félicien. Les régates, c'est 75 hydroplanes et des équipes de partout en Amérique. C'est aussi la soirée de démonstration de voitures de performance. C'est des spectacles à tous les soirs. Venez aussi en famille et profitez de la zone familiale avec jeux gonflables, clowns et maquillage pour enfants. Joins-toi aux 5000 visiteurs annuels et achète tes billets en ligne au régatesdesaintfélicien.com. Une histoire rocambolesque qu'on n'aurait jamais cru que ça finirait comme ça. Une plainte de la femme d'Eric Carlson a été faite envers la femme de Mike Hoffman pour harcèlement. Évidemment, cette histoire-là expliquerait en grande partie peut-être la saison extrêmement difficile des sénateurs d'Ottawa. Pour en parler et pour nous éclaircir dans ce dossier qui doit sûrement faire parler dans la capitale nationale, on rejoint le descripteur radiophonique des sénateurs d'Ottawa, Nicolas Saint-Pierre. Bonjour, Nicolas. Salut, Denis. Nicolas, quelle histoire! C'est une histoire rocambolesque qui expliquerait peut-être la saison de merde que les sénateurs ont eue. Qui expliquerait en partie. Pas la totalité. Il okay. Y a des guerres intestines qui existent dans ce vestiaire-là depuis telle lurette, autant entre les joueurs que les joueurs envers l'entraîneur et la direction et le propriétaire. Bref, il n'y a pas grand monde qui peut se regarder dans le blanc des yeux. Mais effectivement, une histoire comme celle-là ne fait que rajouter. Écoutez, rocambolesque, stupéfaction, je suis subjugué. Je sais plus où on est rendu avec les médias sociaux. C'est une place. Un autre sujet complètement, mais quand on doit maintenant inclure les médias sociaux dans le monde du sport, c'est gros comme histoire. Puis, comme tu dis, je pense que le torchon brûle en ce moment. Puis, c'est effectivement un événement qui serait survenu au milieu de la saison, m'a-t-on dit. Mm. Alors, depuis ce temps-là, on voit que les deux joueurs ne sont pas sur le même, évidemment, au même diapason. Puis, effectivement, c'est peut-être une goutte qui va faire déborder le vase et qui fera en sorte que c'est un raz-de-marée total qui va passer dans le ciel. Est-ce que l'histoire, parce que moi, ce que j'ai essayé de travailler, est-ce que c'est vrai l'histoire que la femme de Mike Hoffman aurait ouvert un faux compte Twitter pour blâmer la femme d'Eric Carlson suite évidemment, à l'accouchement, où le bébé d'Eric Carlson est mort de nez, finalement? Ce tweet en particulier, ce gazouillis en particulier, il y a un commentaire qui venait d'un partisan de Titon qui dit que désolé pour la mort du bébé qui n'aurait eu aucune chance puisque Melinda ne fait que se gaver de anti-douleur et tout ça. Bref, c'était vraiment là, gros comme déclaration. Puis ce qui a été particulier, c'est qu'Eric Carlson a répondu à ce tweet en particulier. Donc, on semblait dire qu'il y avait peut-être une relation qui existait déjà. Ce qu'on a appris dans cette nouvelle-là aussi, c'est que la compagne de Hoffman aurait emprunté se serait approprié plusieurs comptes pour justement envoyer plus de 1000 messages différents vraiment là à direction de Mme Carlson et d'Eric Carlson. Bref, c'est pas d'hier ça que ça a débuté. Et effectivement, c'est ce gazouillis-là qui aurait dit effectivement la puce à l'oreille, puis qu'on semblait voir là, qu'il y avait peut-être une relation. Maintenant, la nouvelle qui vient de sortir lundi, on sait maintenant ce qui s'est passé. Ça a commencé où, ça, cette histoire-là? Oh mon doux Seigneur. Écoute, j'ai aucune idée. Je peux te dire que il y avait une relation tendue entre Hoffman et Carlson qui remonte à l'an dernier. Okay. Est-ce que cette relation tendue-là est due à ses commentaires ou la relation qu'avait Melinda Carlson et la blonde de Hoffman? Je ne le sais pas. Mais il faut effectivement faire un lien maintenant avec ce qui s'est passé. Mais on sait tous que dans le monde du sport ou dans le monde en général, vous avez des collègues de travail, des personnes avec qui vous n'avez pas des atomes crochus. Ben oui. Hier à Sportsnet, j'écoutais justement là les animateurs parler de cas où il y a des équipes qui font tout en leur pouvoir pour séparer les femmes de certains joueurs pour éviter justement qu'il y ait des confrontations et tout ça lors d'un match, lors d'événements. C'est pas nouveau cette réalité-là, mais je pense qu'avec la guerre qui est en train de s'éclater là, entre les deux parties, on va dire comme ça, je pense que là, on a atteint là, un autre niveau. OK. Une direction solide aurait probablement réagi très fortement, mais on sait ce qui s'est passé cette année. La direction des sénateurs, c'est une direction dysfonctionnelle. Hein. On se contre pas d'histoire. Là. Juste savoir ce qui s'est passé avec Pierre Dorion et Guy Boucher. Une organisation en santé fait pas ça. Là. Qu'est-ce qui va arriver par la suite? Est-ce que la direction des sénateurs sont assez fortes pour régler le problème? Malheureusement, je peux pas dire que c'est une organisation très forte. Puis ouais. Ça part du ben oui. Top. Ça part du top. Puis on sait tous maintenant la commotion qu'a causé le propriétaire, M. Mernick, qui travaille à même un budget puis qui a cité vraiment là sur une copie de vite. Au niveau de la direction, M. Mernick a plusieurs tentacules puis chapeau de plusieurs dossiers en même temps. Pierre Dorion qui possiblement pourrait perdre son bras droit à Randy Lee avec une autre histoire rocambolesque. On n'ira pas là, mais non, je peux pas dire que l'organisation en ce moment est assez solide pour gérer un tel dossier, un tel pourbier, on va dire comme ça. Puis juste une preuve comment les choses se passent. Je pense que, sans me tromper, dans toute autre organisation, les accusations dont fait face Randy Lee, ben, on aurait suspendu, du moins avec salaire, pour au moins là, dissiper les doutes, puis laisser l'affaire aller. Or, il est toujours engagé, et à ce que je cherche, il est toujours impliqué dans le processus décisionnel pour les dossiers de transaction et tout ça, et pour le prochain repêchage. Donc, c'est vous dire que c'est une organisation chaotique qui part de haut en bas, qui n'a pas nécessairement les moyens. Puis, je suis en train de me demander... pendant que je te parle, si la Ligue nationale de hockey n'a pas un pied à mettre en terre, puis dire, écoutez, là, on a des standards au niveau de la Ligue nationale de hockey, peut-être de franchise. Il y a un minimum à atteindre, puis malheureusement, vous ne l'atteindez pas. Est-ce qu'on pourrait forcer la main maintenant, si on est rendu là? Est-ce que la Ligue nationale de hockey pourrait prendre cette leblanc tutelle, forcer Mernick de vendre et faire le mélange en complet? Je ne le sais pas, mais avec l'histoire qui c'est bien en ce moment, on se dit que rien n'est impossible. Tu as parlé des médias sociaux. Je sais que tu es proche des sénateurs. Ben, tu es le descripteur radiophonique des sénateurs. Il y a une politique. Sans avoir une politique, j'imagine que la Ligue nationale envoie en début de saison toujours des gens pour conseiller les joueurs comment bien réagir avec les médias sociaux. J'ai pas entendu ta question. Oui, t'es proche des sénateurs, donc t'as parlé des médias sociaux en début de l'intervention. J'imagine que la Ligue nationale envoie des représentants pour conseiller les joueurs en début de saison pour comment bien se comporter avec les médias sociaux. Oui, à chaque début d'année, il y a effectivement là, une tournée qui se fait vers les équipes de la Ligue nationale de hockey. Il y a des conseillers qui, justement, vont donner des barèmes, des façons de faire pour échanger sur les réseaux sociaux et je pense pour se comporter, une façon de se comporter en général en tant que joueur. Mais faut croire qu'il y a... Puis y a, c'est une autre chose aussi. Les médias sociaux, cette histoire-là en particulier, faut faire attention de ne pas mêler Mike Hoffman dans tout ça. Parce que Mike Hoffman, c'est la compagne de Mike Hoffman et jusqu'à maintenant... Il n'y a rien qui indique que Mike Hoffman a été mêlé à ça, mais écoutez, on doit comprendre aussi, étant la compagne de Mike Hoffman, j'imagine qu'on lui a... il y a eu quelques informations, il devait être... Puis encore une fois, je ne veux pas aller trop loin dans ce que je veux dire, mais il y a effectivement une façon de faire pour les médias sociaux, il y a des barèmes à atteindre encore une fois pour les joueurs, puis écoute, je pense que celle-là, elle est passée entre les doigts du joueur. Il y a une rumeur qui est de plus en plus persistante qui circule, ça n'a pas été démenti, ben, c'est sûr qu'il y a tellement de rumeurs aujourd'hui que tout le monde peut pas démentir, sauf que semble-t-il, ça s'intensifie, que Piqué Subban, parce qu'on entend parler de plus en plus de Piqué, pourrait être sur le marché des transactions, qui enverrait Eric Carlson à Nashville en retour de Piqué Subban. Ça aurait du sens, parce que si tu te débarrasses d'un Rick Carlson, tu peux pas te débarrasser d'un Rick Carlson contre 2-3 joueurs. Il faut vraiment que tu aies une transaction win-win, un peu comme Weber Subban. Moi, je suis d'accord avec toi, puis ça serait peut-être une belle façon, je sais pas si on pourrait dire ça de même, pour l'organisation Pierre Dorion de faire oublier Eric Carlson en ayant un Piqué Subban qui a quand même un aura, puis qui a quand même du pesage. Dans le contexte d'un club qui, justement, cherche à ramener des projecteurs vers Piqué Subban pour les sénateurs, ce serait très bien. Puis on s'entend tous que Piqué Subban ne serait pas trop loin de son ancien club Canadien de Montréal. Donc, c'est sûr qu'il y aurait un poste. Mais à moins de me tromper, David Poile hier a dit que Piqué Subban n'était pas échangé. Mais encore là, je peux pas croire tout le monde lorsqu'on arrive dans une période névralgique. Marc Bergevin disait que Piqué Subban ne serait pas échangé. Puis deux jours après. Effectivement, c'est difficile de croire tout le monde. Mais dans le contexte qui nous importe, je pense que cette transaction-là serait des plus intéressantes, mais je vois mal comment on pourrait s'approprier un Piqué Subban à 9 millions dans une équipe qui a un budget, à même un budget. Bien, quoi. Puis est-ce que Piqué Subban voudrait s'amener dans une équipe qui sera vraisemblablement en reconstruction pour du moins les deux prochaines saisons? Alors, je ne sais pas. C'est sûr qu'on ne se plaindrait pas d'avoir, moi, le premier, d'avoir un Piqué Subban pour remplacer Erik Karlsson, qui n'est pas remplaçable dans l'univers des sénateurs, mais quand même, ce sera un coup pour, certainement, là, assouvir la douleur des partisans. Mais Piqué avec les sénateurs, avec une organisation dysfonctionnelle, ça ferait pas longtemps? Pas longtemps. Moi, Piqué Subban, ouais. Puis si tu parles de son extravagance et de sa façon de faire. Moi, Piqué Subban, tant qu'à moi, c'est une super vedette de notre ère. C'est comme Gary Carter. Je ne sais pas si tu as connu Gary Carter. Exactement, oui. Tu as parfaitement raison, Denis. Gary Carter, qui ne faisait pas l'unanimité dans son dossière, mais qui était un showman et qui était justement la tête de proue de cette équipe-là des Expos de Montréal. Alors, je pense que Piqué Subban pourrait certainement amener, encore une fois, je vais me reprendre, le thésas dont on aurait besoin pour amener les projecteurs dans un club qui est en déroute en ce moment et qui a perdu l'appui des partisans. Mais Piqué Subban, pour moi, ne me dérange pas loin de là. J'étais de ceux qui disaient que c'était une erreur monumentale de le voir partir de Montréal avec tout ce qu'il a fait, autant sûr que hors de la glace. Alors, Piqué Subban ici, je pense que ce serait certainement une très bonne idée. OK. Nicolas Saint-Pierre, gros, merci. On s'en parle aux besoins. On souhaite de passer un bel été, bon golf, puis c'est toujours un plaisir. Le descripteur radiophonique des sénateurs d'Ottawa, Nicolas Saint-Pierre.